Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, la marche des sciences. Aurélie Luneau. C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour et bienvenue à tous, c'est la marche des sciences. L'environnement, la nature, la biodiversité sont depuis déjà quelques décennies au cœur des préoccupations mondiales. Et en ce temps de COP21 à Paris, nous avons choisi de nous intéresser à un fonds de documents qui a été classé monument historique et qui fait l'objet en ce moment d'une numérisation complète. Il s'agit de l'herbier Villemorin. Témoin de l'engagement d'une famille sur 2 siècles et 6 générations, sauvée d'une destruction quasi certaine en 1999, cet herbier exceptionnel, dont il n'existe que peu d'équivalents au monde, raconte la contribution d'une famille à l'évolution des plantes comestibles et d'ornements et l'engagement d'une longue lignée d'aventuriers en faveur des plantes. L'occasion d'entrer dans l'histoire de cette saga familiale et d'en saisir l'importance environnementale et scientifique. Avec moi, en studio sur France Culture, l'historienne Christine Laurent, chargée de mission à la mairie de Paris et auteure du livre « L'herbier Villemorin » paru chez Belin. Et Christine Laurent, que l'on retrouve aussi dans l'article « Les Villemorins, des botanistes d'exception » publié dans le magazine Pour la Science de décembre, notre partenaire. Et à nos côtés également Claude-Marie Vadreau, journaliste à Politis et chargé de cours au département de géographie de l'université Paris 8. Il est l'auteur notamment du livre « La saga des Villemorins », un livre édité chez Delachaux et Niesley, et son dernier né s'intitule « Climat, planète en danger », édité au Rocher. Une première partie d'émission émaillée d'archives sonores de l'INA grâce à Anaï Morales. Et puis en seconde partie d'émission vers 14h45, nous plongerons dans les fonds sonores et le travail réalisé par un chercheur du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Il est spécialiste en écho-acoustique et il s'agit de Jérôme Sueur, membre de l'Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité du Muséum. Il participe à la gestion de la sonothèque du musée. Il nous en parlera dans quelques instants. Mais tout de suite, une famille de passionnés, un herbier d'exception, l'aventure Villemorin. Philippe Victoire de Villemorin, qui venait de Lorraine, car notre famille est de Lorraine, venait à Paris, avait l'amour passionné de la nature, et venait vraiment pour y faire ses études. Il a fait la connaissance d'un homme qui lui-même aimait beaucoup, beaucoup tout ce qui avait à voir avec la nature, et qui s'appelait Pierre d'Andrieux, lequel avait un commerce de graines sur le quai de la Mégisserie qui dans ce temps-là s'appelait quai de la Ferraille, et il s'est lié avec lui, et sans doute, il allait y assez souvent, dîner, déjeuner, de plus en plus souvent. Bref, ce Pierre d'Andrieux avait une fille, Élisabeth, et Philippe Victoire de Villemorin a épousé Élisabeth d'Andrieux. Il y a 2 siècles, et ça dure encore. Et c'est ainsi que nous avons eu beaucoup de belles et de jolies plantes. C'était la voix de Louise de Villemorin dans l'émission Chronique agricole datée de janvier 1953 et qui relatait comme ça un petit peu les débuts de cette famille Villemorin. Bonjour Christine Laurent. Bonjour. Bonjour Claude-Marie Vadreau. Bonjour. Alors de Louis XV à la Seconde Guerre mondiale, 6 générations de père en fils, une saga qui, alors depuis, est passée aux mains de financiers. On va en parler vers la fin de l'émission, mais on va donc retracer cette saga familiale, parler de cet herbier, aujourd'hui classé monument historique depuis 2006, et puis de ces archives que l'on peut retrouver pour faire revivre ce moment d'histoire. Alors tout commence, comme disait Louise de Villemorin, avec Philippe Victoire, l'évêque de Villemorin, c'est ça, Claude-Marie Vadreau ? Exactement, un jeune homme venant de sa Lorraine natale pour voir s'il pouvait réussir à Paris. Il n'avait aucune connaissance particulière, il voulait vaguement être médecin, et puis finalement il s'est retrouvé au Muséum d'Histoire Naturelle, où il a suivi ce qui était logique à l'époque, les études de médecine et les études de botanique, des études sur ce qu'on appelle maintenant la biodiversité. Et il est tombé dans un milieu qui pour lui était extraordinaire. Lui, le provincial arrivé à cheval, il rencontra Buffon, il rencontra André Toin, le chef jardinier du Jardin des Plantes, qui avait seulement 17 ans. Donc tous ces gens étaient de la même génération. Plus tard, il rencontrera Rousseau. Donc il s'est formé, il est devenu quelqu'un d'autre et il s'est éloigné de ses origines familiales rapidement. Donc un homme né en 1746, mais qui a été orphelin de père jeune à 13 ans, qui était issu quand même d'un père qui avait été agriculteur et laboureur, Christine Laurent. Oui, son père est même un hobereau à l'époque, c'est-à-dire qu'il est propriétaire de sa terre, mais lui, il est le dixième de la famille, donc il n'a pas grand-chose à espérer sur ses terres natales. Et donc, à Paris, il trouve moyen de... Pris en main par un parrain et une marraine, je crois. Par un parrain et une marraine, oui. Qui vont l'aider à s'instruire. Donc, il va apprendre la médecine, la botanique... Et comme ça, avec toutes les rencontres qu'il va pouvoir faire aussi grâce à Pierre Andrieux, il va rencontrer Parmentier, il va rencontrer tout un groupe de gens qui sont autour aux Invalides, où est Parmentier, et c'est le comte d'Ispagnac. Donc il y a toute une petite cour autour de lui, de gens un peu savants, et on échange beaucoup à cette époque, une espèce de salon scientifique. Qui est là. Et alors c'est le temps des voyages naturalistes, il ne faut pas l'oublier ça, parce que c'est vrai qu'on est à une époque où on prend le bateau et on ramène des espèces, et tout ça, ce temps-là répond aussi aux envies de Philippe-Victoire Villemorin, cette envie d'aller chercher de nouvelles espèces, des variétés, de les acclimater et de les améliorer, Claude-Marie Vadron. Oui, il va relativement peu voyager, il va faire voyager les autres, comme Buffon d'ailleurs, pour faire rapporter des quatre coins du monde des espèces végétales, des espèces animales, des dépouilles, des dessins de l'époque. Il voyagera peu. Ce sont ses successeurs qui voyageront énormément. Les autres Villemorin parcourront peu à peu toute la planète et plusieurs fois pour la plupart. Même certains sont nés à l'étranger au hasard des voyages de leurs parents. Donc, lui il va être fasciné par ce que vous venez de décrire. Il est fasciné par ces gens qu'il rencontre. C'est tellement loin de ce qu'il a à peine connu dans sa jeunesse. Rendez compte, discuter dans la cuisine d'André Toin, le chef jardinier, avec Buffon ou bien avec Jean-Jacques Rousseau, c'est quelque chose qui déjà, encore maintenant, nous paraît extraordinaire, mais qui pour lui est extraordinaire. Et il va très bien apprendre, beaucoup apprendre. Et surtout, il va devenir, je dirais, le premier, peut-être dans le fond, le seul révolutionnaire de sa famille. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire qu'il s'appelle De Villemorin. Oui. Il traversera toute la Révolution. Sans souci. Sans souci, en rendant des services à cette Révolution, des services en tant qu'agronome, en tant que botaniste, en tant que jardinier, je dirais, et aussi en appartenant au comité de salut public. Il ne quittera jamais Paris. Simplement, disons qu'il va s'éloigner un peu des leaders de la terreur parce que ça lui déplaît. Mais c'est tout. Il n'aura jamais aucun problème avec les révolutionnaires, alors que son ami Parmentier, lui, en aura et sera obligé de s'éloigner un peu de Paris pour garder sa tête. Alors, vous parlez de Parmentier. Je vous propose justement d'écouter un autre document sonore extrait des Fonds de l'INA et retrouvé par Anaï Morales. Il s'agit de cette émission, donc Chronique agricole de janvier 1953. Mais on écoute cette fois-ci Roger de Villemorin s'exprimer justement sur Parmentier. Ah, Parmentier était un grand ami de Philippe Victoire de Villemorin. Parmentier, comme vous savez, s'est beaucoup occupé de la pomme de terre. Il est très loin de l'avoir introduite. Elle était introduite bien avant. On se fait des illusions sur le rôle de Parmentier. Parmentier a été un grand propagandiste de la pomme de terre, mais ce n'est pas lui qui l'a introduite en Europe ni en France. Mais toutes ces collections de pommes de terre, les nombreux types qui existaient dans les jardins botaniques et qu'il avait réunis, étaient cultivées dans un jardin à Paris que possédait son grand ami Philippe Victoire de Villemorin. Christine Laurent, alors, donc il traverse ces épisodes tourmentés hein, de l'histoire de France, la Révolution. C'est vrai qu'il va aussi faire en sorte de pallier les risques de manque de nourriture hein, à Paris. Il aura ces gestes-là, ces gestes citoyens, humains. Et donc, c'est un homme que l'on découvre effectivement aux côtés de ce Parmentier, avec un vrai rôle. Oui, oui, bien sûr. Il écrit avec lui des notices, en fait, sur... comment cultiver la pomme de terre, comment cultiver le rutabaga, comment cultiver des plantes qu'on connaît depuis longtemps dans les jardins botaniques, qu'on connaît dans les jardins bourgeois où il y a des jardiniers qui cultivent des légumes pour la famille, mais qu'on connaît assez peu dans le grand public. Et donc il va vraiment commencer à contribuer à faire connaître de nouvelles plantes. Et ça va être son cheval de bataille toute sa vie que de faire connaître, et après lui, les six générations des Villemorin, de faire connaître toujours des nouvelles plantes en explorant leur potentiel et surtout toujours en lien avec la botanique. Ce qui est très intéressant chez les Villemorin, c'est que toujours ils étudient ce qu'ils vont cultiver, ils nomment, c'est une époque où on connaît mal les plantes, et donc ils vont toujours collectionner, nommer, et mettre un peu de... je dirais, on peut dire de l'ordre, dans tout un univers où finalement on ne sait pas très bien ce qu'on a dans les mains. Mais alors du coup, selon quelle nomenclature? Parce qu'à l'époque, il y a la nomenclature de Carl von Linné, hein, le botaniste suédois. Elle est toute neuve et très contestée au muséum par les ténors du muséum. Et lui, il va y trouver son compte parce que ça va lui permettre d'abord de montrer qu'il sait. Il va faire un catalogue raisonné, un des deuxièmes, les Villemorin, on fait toujours des catalogues. Le premier qu'on a retrouvé, c'est 1763. 6, qui est de Pierre Andrieux. Et puis, Philippe Victoire de Villemorin va travailler sur un catalogue 1771, où justement, il va, dans le titre du catalogue, se référer à Linné. Ce que moi, j'ai trouvé très surprenant, parce qu'en fait, à l'époque, Linné est quand même encore très peu connu, et pas forcément très bien vu au Muséum d'Histoire Naturelle. Et donc, lui, en tout cas, il prend parti de se ranger du côté de la science botanique et de nommer les choses et de pouvoir vraiment les différencier les unes des autres. Et ça va toujours être le fondement de leur travail, d'où la constitution de cet herbier sur lequel on va revenir. Exactement. Claude-Marie Vadreau, donc 1778, le premier catalogue hein, que l'on doit à Philippe Victoire Villemorin, et puis des conseils hein, donnés régulièrement dans l'almanach du bon jardinier, tous d'ailleurs, hein, ça commence par lui, mais les descendants aussi garderont cette habitude de communiquer. Le bon jardinier, tel qu'il était encore publié il y a une vingtaine d'années, effectivement, contenait des notices signé de Villemorin et qui se sont répandus un peu partout dans ce domaine de la botanique. À propos de Parmentier, il faut signaler une curiosité, puisque toutes les sagas comportent aussi des histoires d'amour, que Parmentier était le rival de Philippe Victoire auprès de la fille de Pierre d'Andrieux, ce qui ne l'a pas empêché, il était beau joueur, d'être son témoin de mariage, mais malgré tout, il y a eu une rivalité. C'était parce que Pierre d'Andrieux, enfin sa fille, disons, c'était un beau parti scientifique et un beau parti commercial, puisque Pierre d'Andrieux, avec sa femme, étaient déjà des gens qui vendaient et distribuaient des graines, et finalement, Pierre Victoire ne fera que leur apporter des connaissances commerciales. Et les catalogues dont on parlait il y a quelques instants, c'était des catalogues aussi de vente par correspondance. Ça commençait. Et ça sera la grande fortune, la grande réussite de la famille Villemorin. Si ce n'est, comme disait Christine Laurent, qu'il fallait mettre de l'ordre peut-être à un moment. Et c'est ce rôle-là qu'il a joué, lui, Philippe Victoire. Je ne pense pas que sur le plan scientifique, il ait mis de l'ordre. Oh, on évoquait tout à l'heure le Muséum National d'Histoire Naturelle, qui ne s'appelait pas encore comme ça à cette époque, mais qui était encore plus qu'aujourd'hui un repère de conservateurs remarquables, pour ne pas dire plus. Alors, le fils de Philippe Victoire Villemorin, donc, s'appelle Philippe André. Lui va prendre la suite sur six générations, on a dit. Hein, donc, il se succède de père en fils. Lui étudie les sciences naturelles, va aussi apprendre l'allemand, l'anglais, qu'il parlera parfaitement. On sent qu'il y a peut-être, avec la génération suivante, l'envie de franchir un pas, Claude-Marie Vadreau. Oui, ce sont des gens qui voyagent et ils réussissent l'exploit pendant longtemps, à partir de ce moment-là, à être à la fois reconnus comme des savants, des scientifiques, sans que le fait qu'ils soient également des commerçants de plus en plus prospères ne nuise à cette image de scientifique. Et ça, c'est ça qui est remarquable dans la saga des Neville Morin, c'est qu'ils aient réussi à combiner ces deux préoccupations et à augmenter leur chiffre d'affaires de plus en plus rapidement. Et effectivement, André de Villemorin, on va l'appeler comme ça, parce qu'ils ont tous une douzaine de prénoms pour faire hommage aux grands-parents et aux arrière-grands-parents. Et il a été celui qui a commencé à voyager, qui a commencé à parcourir le monde. Il apprenait l'allemand, comme on disait autrefois, parce que ça pouvait être utile pendant la prochaine guerre, et l'anglais également pour les mêmes raisons. Christine Laurent, Philippe André ou André Villemorin, donc lui va travailler sur la sélection dite massale, donc pour obtenir plus de chair, et il a ces termes-là, c'est affoler les plantes, donc il va chercher à les améliorer. C'est pas Philippe André qui a affolé les plantes, c'est son fils Louis. D'accord. Philippe André, c'est un grand dendrologue, c'est un passionné d'arbres, c'est lui qui va créer l'arboretum des Barres. Il va se retirer assez vite d'ailleurs des affaires en laissant son fils. Il va d'abord les confier à des gens beaucoup plus avertis que lui dans le commerce. Et il va vraiment s'intéresser aux arbres. Il est désespéré de voir à quel point la déforestation en France a atteint des proportions. Et 90%, lui, c'est énorme quand même quand on lit les chiffres. Hein. 90% de la forêt en France était détruite. Oui. Chaque navire est une forêt sur l'eau, dit-on à cette époque. Et donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est de voir comment on va pouvoir replanter. Et donc, il achète 400 hectares de terre en Sologne. Et il commence à faire des essais. Il dépêche des gens jusqu'à Riga pour récupérer des graines du fameux pin noir de Riga, qui est très réputé pour les matures des bateaux. Il va faire des essais pendant 60 ans. Il va essayer toutes les différentes variétés de pin qu'on connaît, le pin de Calabre, le pin de... Et voilà, pour voir leurs mérites respectifs. Pour moi, c'est vraiment le Villemorin qui a mis la famille dans cet univers vraiment scientifique, tout le temps, à côté du commerce. Et finalement, on voit quand on regarde comment ils ont travaillé, que dans ces générations-là, les premières générations, c'est vraiment des scientifiques. Et finalement, ils laissent un peu le commerce à d'autres personnes avec lesquelles ils travaillent pour... se consacrait, lui, à la science. Et donc, ils achètent des domaines, la propriété de Verrières-le-Buisson, dans l'Essonne, qui se situe donc à 14 km au sud-ouest de Paris, aujourd'hui, qui devient un jardin expérimental, un centre à la pointe de la recherche agronomique. Il y aura aussi, donc, pour les arbres, le domaine des Barres, dans le Loiret, son arboretum, qui est devenu, d'ailleurs, depuis 1930, domaine de l'État, Claude-Marie Vadreau. Oui, puisque cet arboretum a été légué par la famille... sans problème. Une fois la tâche accomplie et le pin de Riga évoqué largement installé, eh bien, vers la fin du 19e siècle, déjà, ça a été peu à peu légué à l'État. Et est devenu aussi l'école de formation du personnel de l'ONF, au domaine des Barres. Je vous propose d'aller prendre un petit peu le pouls justement de cette étendue, de ces propriétés, du fameux parc dont on parle, le parc de Villemorin, dans l'émission Rendez-vous à 5h, visite du parc, c'était le 25 avril 1951. Il y a quelques lignes architecturales dans le jardin qui datent de l'époque de Louis XIV, moment auquel la maison a été bâtie et le parc a été dessiné. Mais en dehors des quelques lignes conservées, 45 générations d'amateurs de plantes et de collectionneurs se sont livrés à leurs essais, plus ou moins réussis. On arrive à un grand degré d'anarchie qui, je crois, fait beaucoup le charme de ce jardin. Les arbres ont été plantés à mesure qu'une place se faisait, parce qu'un arbre mourait, on en a planté un autre. Et maintenant, c'est certainement chaotique, mais je crois que ça a un charme et pour nous un grand attachement, beaucoup plus que si nous nous étions efforcés, à mesure que les générations passaient, à ne mettre que quelques variétés bien alignées, ce qui aurait certainement enlevé beaucoup de l'agrément que nous trouvons, beaucoup que nos parents ont trouvé, que nos enfants trouveront dans ce jardin. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. C'était la voix de André de Villemorin, donc dans ce parc de la propriété de Verrières, j'imagine, hein, Claude-Marie Vadrou. Oui, André de Villemorin qui a essayé de relancer la maison Villemorin au lendemain de la guerre qui avait été, je parle de la Seconde Guerre mondiale, qui avait été très néfaste pour la famille et pour leur propriété et leur activité. Ils n'avaient pas quitté le territoire finalement. Aucun n'avait quitté le territoire, sauf l'un des frères qui est devenu lieutenant de vaisseau et qui est parti à l'étranger. Mais ils sont restés sur le territoire. Ils l'ont jamais révélé jusqu'à une date récente, mais ils ont même émergé à Verrières des familles entières de juifs. Et ils ont été faits, d'ailleurs, ça a été reconnu par l'État d'Israël il y a quelques années. Ils ont été reconnus juste parmi les justes. Juste parmi les justes, voilà l'expression que je cherchais. Est-ce qu'on peut dire que le siècle 1850-1950 est vraiment le siècle d'or des Villemorin, Christine Laurent? Bah oui, c'est le siècle d'or de l'horticulture française, et en grande partie par le travail des Villemorin. Et à partir de là, donc parce que ce sont plusieurs générations, il y a Louis de Villemorin, donc qui est le fils de André, hein, qui lui va travailler sur les manifestations de l'hérédité, la transmission des caractères. Oui, alors Louis. Personnage c'est, là aussi, hein, paralysé des jambes, oui, jeune, alors, enfant. Oui, c'est Dequesne, qui est botaniste au Muséum d'Histoire Naturelle, qui raconte à propos de Louis qu'il a été traumatisé tout jeune enfant à cause du cri, de la vision d'un cochon qu'on égorgeait dans la cour de Verrières. Donc on est au début du 19e siècle. Chez sa nourrice apparemment, je crois. Et sa nourrice ne l'avait pas protégé de cette vue et il a fait des cauchemars terribles dans la nuit. Et le matin, il s'est réveillé, les jambes paralysées, et plus jamais il n'a retrouvé l'usage de ses jambes. Et c'est un enfant très patient qui reste des heures entières à regarder les magnifiques fleurs que son père fait pousser dans la propriété de Verrières et des premiers essais. Et après la sélection massale, c'est-à-dire qui consiste à prendre les graines des plus jolies plantes pour les ressemer l'année suivante, et ainsi en choisissant toujours les plus jolies des graines des plus jolies plantes, on arrive à modifier petit à petit la plante et à faire ressortir les caractères qu'on cherche à mettre en avant et raison pour laquelle on les a regardé. Lui commence à se dire que quand même c'est pas aussi simple tout ça. Il y a des choses bizarres qui se passent quand on regarde les fleurs, qui regarde attentivement, et il s'aperçoit qu'il y a des mutations en fait. Il y a des sauts. Tout d'un coup, il y a des fleurs qui ressemblent pas à l'ensemble des fleurs qui sont autour d'elles. Et voilà, il s'intéresse à ça et il s'aperçoit finalement que dans la descendance des plantes, quand on croise deux plantes, il y a une uniformité de la génération suivante, mais pas de la génération d'après. Et il va commencer à jouer avec cette variabilité. Il va essayer de comprendre. Il fait des expériences sur les lupins. Il ne connaît pas Mendel. D'ailleurs, Mendel n'a pas encore publié au moment où il fait ses travaux. Sur les pois, lui, de son côté. Même pas dans sa petite revue autrichienne, puisque Mendel, on redécouvrira les lois de Mendel au début du XXe siècle, même si lui les a exposées en 1866. Déjà en 1856, donc Louis de Villemorin avec les lupins, qui est une fleur autogame, donc c'est assez pratique parce que ça simplifie en fait l'étude des plantes. Et chez le lupin, il y a les bleus et les roses. Donc c'est un modèle assez simple et il va travailler sur ce modèle pour voir comment il fait des grands arbres avec toutes les fleurs qui sortent pour déjà comprendre comment marche l'hérédité. Donc là, finalement, ils ont leur laboratoire comme ça dans leur domaine, hein, à Verrières le Buisson par exemple, et puis d'un autre côté, il y a la commercialisation donc des graines, des semences qui finalement partent où, de par le monde, où il y avait un marché très spécifique. Il y avait un marché qu'on appellerait un marché d'Île-de-France, et puis il y avait un marché dans le monde entier, peu à peu, qui s'est instauré, d'autant plus que par leurs recherches, les Villemorin ont améliorer non seulement leurs carottes mais, ou leurs lupins, mais ou aussi les betteraves leur, ou les betteraves pour Napoléon Ier. Mais ils ont aussi amélioré leur réputation. Leur réputation scientifique servait, et c'est tout à fait visible dans les courriers qu'ils reçoivent, c'est tout à fait visible dans les travaux de du Muséum national d'histoire naturelle ou bien de la Société nationale de la Société impériale d'acclimatation et de géologie. Exactement, ouais. Oui, qui est devenue la SNPN plus tard. Ouais. Et c'est même fantastique cet équilibre qu'ils réussissent parce que les Villemorin, la plupart du temps, président la commission des graines de la Société de zoologie et d'acclimatation. Et la Société de botanique aussi, la Société d'horticulture, ils sont partout quand même. Oui, ils sont experts et comme on leur envoie des graines du monde entier, bah, ils en bénéficient. Ils sont pas égoïstes, ils partagent avec. Mais c'est surtout une époque où on s'envoie comme ça des semences, on échange. Ah oui, elles arrivent par bateau, elles sont envoyées par des voyageurs que vous évoquiez tout à l'heure, les naturalistes voyageurs, ouais. Par des prêtres, par des jésuites, notamment en ce qui concerne la Chine. Les Villemorin, qui ne sont plus des révolutionnaires, comme le premier d'entre eux, entretiennent des rapports importants avec la hiérarchie catholique qui évangélise l'Afrique. L'Asie et la Chine. Et par conséquent, cela crée avec ces jésuites et ces prêtres des liens tout à fait étroits qui bénéficient à la science et au commerce. Christine Laurent, ils ont été aussi des pionniers en matière de publicité, des affiches, les fameuses affiches. La première est publiée par Louis en 1850 et c'est totalement visionnaire de sa part. Et en fait, ça accompagne finalement la démocratisation de la vente des semences, parce qu'on disait qui achetait des plantes. Ben, dans la première moitié du 19e siècle, ce sont beaucoup des gens de la bourgeoisie. Paris se construit, il y a des résidences qui se construisent partout. Les gens ont des jardins. On est vraiment dans cette époque où le jardin est très important, un peu comme on le voit aujourd'hui, ce regain à la fois dans la permaculture, avec l'expérimentation, le partage des graines. Enfin, on retrouve aujourd'hui un petit peu de cette ambiance. Oui, ou la recherche même de graines qui ont disparu et qu'on retrouve dans certains greniers aujourd'hui et que l'on développe à nouveau pour les sauver d'une disparition certaine. C'est ça, on est vraiment dans une époque où on expérimente, oui. où on travaille beaucoup et d'ailleurs les comptes rendus des sociétés d'agriculture sont très riches d'expériences que les uns et les autres font. Et donc, en 1850, il est très visionnaire, Louis, parce qu'il se dit, bon, maintenant il faut qu'on fasse connaître nos graines à un plus grand nombre de gens. On n'a plus les moyens de faire des gros catalogues parce qu'il y a de plus en plus de plantes. Donc faire des gros catalogues en couleurs, c'est quand même pas facile parce qu'à l'époque, il n'y a pas la photo, donc on peint. Donc il a cette idée de donner à tous les revendeurs Villemorin en France ces affiches qu'ils vont pouvoir mettre dans leur boutique pour montrer les nouvelles plantes. Et ce qui est tout à fait génial, c'est qu'il va mixer des plantes qui sont connues depuis longtemps avec des nouvelles plantes. Et chaque année, comme ça, sur ces planches, on voit des plantes déjà connues, des choux qu'on connaît depuis longtemps, les gens ont l'habitude de les cultiver. Et puis, pouf, on voit apparaître une aubergine. Et comme ça, pendant 50 ans, ils vont sortir cette affiche. Et ça a été effectivement réédité, je crois, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, par un éditeur allemand, dans un grand format, qui s'appelle l'album Villemorin. Et c'est vraiment... magnifique. Un beau livre. Claude-Marie Vadreau, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont lancé des modes ? Oui, ils ont lancé des modes. Ils ont lancé la mode de certaines fleurs, notamment. Et aussi, de plus en plus, ils se sont adressés également au monde paysan. Pas seulement aux jardiniers bourgeois des beaux quartiers. Et puis, à la fin du 19e siècle, ils ont profité pour vendre leurs graines de l'essor des jardins ouvriers, des jardins familiaux. Et c'est le jardinier amateur, qu'il soit ouvrier ou pas, qui a fait leur réputation au cours du XXe siècle. Moi-même, j'ai rencontré le mot Villemorin pour la première fois parce que je cultive un jardin bio depuis une quarantaine d'années. C'est comme ça que je suis entré en contact avec cette famille, avec cette histoire. Et ils ont finalement, eux, les bourgeois un peu aristocrates, ils ont finalement profité de la vulgarisation du commerce de graines et des petits jardins. Mmh. The Queens, un choix d'Alexandra Malka, et le titre de la chanson c'est Paradis perdu, et c'est la suite de la Marche des sciences sur France Culture en partenariat avec le magazine Pour la Science et en compagnie de l'historienne Christine Laurent, auteure du livre L'herbier Villemaurin paru chez Belin et que l'on peut retrouver aussi dans l'article Les Villemaurins des botanistes d'exception dans le magazine Pour la Science du mois de décembre. Et avec nous, Claude-Marie Vadreau, spécialiste de l'environnement, de la nature, des mouvements de protection de la nature, on va le dire. Vous êtes chargé de cours au département de géographie de l'Université Paris 8, auteur du livre La saga des Villemaurins, édité chez Delachaux et Niesley. Et on poursuit cette plongée dans l'âge d'or de l'horticulture française de père en fils sur 6 générations. Des membres de famille en immersion complète, on imagine, depuis l'enfance, comme ce témoignage de Jean-Baptiste Villemaurin. J'ai cette chance extraordinaire d'être né dans un immense jardin qui est un arboretum, où il y a des arbres un peu de tous les pays. Donc, puis j'ai eu la chance également de vivre la vie de la sélection des plantes. Oui. Toute la recherche qui conduisait à la création de nouvelles variétés par la génétique appliquée, qui est une chose relativement récente. Et puis peut-être ma troisième et ma plus grande chance, c'est d'avoir eu un père botaniste. Oui. M'entraîner avec lui dans ses excursions, en particulier en montagne. Et j'ai découvert la beauté des plantes dans leur milieu en faisant des efforts, puisqu'il faut grimper, il faut aller les chercher. Et puis, se crée à ce moment-là une forme d'intimité, parce qu'on a fait l'effort d'aller... C'est un peu une façon de courtiser les plantes que de faire de l'effort pour aller les découvrir là où elles se cachent. Et je me souviens un matin, c'était en Corse, on portait la tente, elle était lourde à l'époque, c'est pas comme maintenant. Et puis la victuaille, j'étais avec mon père, on arrive au sommet du Monte Rotondo, il y a un très beau lac. On installe la tente, on se couche, et le lendemain matin, au lever du soleil, on se lève nous aussi, on fait le petit déjeuner, et on part, gratouiller dans les rochers, comme on disait. Mmh. Et tout à coup, le ciel était bleu pâle, la mer au loin, le soleil commençait à éclairer ces grès rouge, orange de Corse, et dans une petite anfractuosité de rocher, frémissant dans le vent du matin, la petite encolie bleue de Corse. Très touchant témoignage de Jean-Baptiste de Villemorin, fils de Roger. Donc c'était au micro de Gilles Lapouge dans l'émission Agora du 25 juin 1992 sur France Culture. Christine Laurent, une beauté hein, qui transpire dans cet herbier justement, qui a été donc sauvé en 1999 et officiellement déclaré monument historique en 2006. Oui, ça a été un sauvetage assez incroyable puisqu'en fait, quand l'entreprise a dû faire ses bagages dans les années 60, en 66, et donc Roger de Villemorin, qui était le directeur scientifique des établissements Villemorin-Andrieux, dans les années 60, est parti en fait avec l'herbier constitué depuis le début du 19e siècle, la fin du 18e siècle, par les six générations des Villemorin dont il faisait partie. Et donc ça représentait quand même une masse colossale de 56 000 planches qui, rangées dans des armoires métalliques, représentent quand même 24 armoires métalliques. 10 mètres cubes de documents, c'est ce que vous dites. 10 mètres cubes de documents. Et donc lui, il est parti avec tout ça dans le laboratoire de recherche du CNRS à Orsay, où il a travaillé par la suite. Et en 99, quand ce laboratoire a dû fermer, Roger de Villemorin était décédé déjà depuis 19 ans. Son élève, son collègue qui était là, savait pas que faire de cet herbier. Il l'a proposé à différents instituts. Ouais. Personne n'en voulait. C'était compliqué. Et finalement, grâce à Jean-Baptiste de Villemorin, le maire de l'époque, un élève qui travaille au service technique. Le maire de Verrières-le-Buisson, qui avait récupéré du coup les documents. Et puis Christian Sif, que je voudrais nommer ici, qui était élève de Alain Lacoste, donc ce directeur de laboratoire de recherche qui se retrouvait avec l'herbier. Mmh. Voilà, finalement, il y a un concours de circonstances qui fait que cet herbier a pu revenir à Verrières-le-Buisson. Et puis, à partir de là, entre 99 et 2006, date du classement, il y a eu tout un travail pour essayer de comprendre cet herbier, pour essayer d'en extraire ce qu'il y avait d'intéressant. Et à partir de ce premier inventaire, il y a eu effectivement un classement. Alors, il pensait à un classement classique, à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et en fait, la commission a tranché classement monument historique parce qu'en fait, c'est le seul herbier qu'on connaît en Europe qui soit un herbier constitué par des agronomes. Les herbiers, c'est les botanistes, c'est pas les agronomes. Et donc, c'est très intéressant parce que on peut lire l'histoire de ces recherches dans l'herbier. Dans l'herbier. Alors, avec juste l'herbier, c'est pas forcément évident, mais ça vient illustrer des tas de communications qu'on peut retrouver dans les annales des sociétés savantes, dans des démonstrations qui ont été faites. Il y a une collection de blé inimaginable. Les Villemorin ont beaucoup travaillé sur les blés. On parlait tout à l'heure des plantes potagères, des fleurs. C'est vrai que ça a fait la notoriété dans le grand public de Villemorin. Mais ce qui a fait vivre et ce qui a fait l'expansion financière des Villemorin, c'est le blé et la betterave. Ils ont été les premières à faire des blés hybrides en France. À une époque, en 1870, on importait du blé des États-Unis. Villemorin part aux États-Unis voir ce qui se passe. Ah oui, tous ses voyages, Claude-Marie Vadrouille. Il revient et se lance dans un répertoire prenant la suite de son père, Louis, encore une fois, qui avait commencé à faire une collection de blé. C'est des grands collectionneurs, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment très important. Et cet herbier en est le témoignage. Et à partir de tout ce travail, ils commencent à faire des blés qui, et en 50 ans, ils ont doublé le rendement des blés en France et rendu la France indépendante et exportatrice même de blé. Donc c'est très important. Et sur la betterave, de la même manière, on retrouve tout ça dans cet herbier-là qui raconte des histoires. Claude-Marie Vadrouille. Oui, et au cours de ses voyages, ils partent à la poursuite de nouvelles plantes, de nouveaux légumes, de nouvelles variétés, mais surtout d'autres pratiques agricoles. Ils sont passionnés par ce que font les autres, et jusqu'au dernier moment, même Roger de Villemorin ira en Union soviétique dans les années 60 pour voir ce qui se passait dans les kolkhozes. Donc, il y a une soif de voyage, et il y a quelque chose qui est étrange dans cette famille. Il raconte très bien l'agriculture aux États-Unis. Il raconte à quel point les Indiens, par la faute des Américains débarqués, vont disparaître. Et il n'y a jamais, dans tous ces récits de voyage, la moindre mention de l'esclavage. Et ça, c'est pour moi un mystère. Christine Laurent, il reste des mystères apparemment, en tout cas dans cette famille. Et pour travailler sur cette saga et puis sur cet herbier, finalement, les archives aujourd'hui sont où ? Alors, les archives, il y a les archives publiques, donc il y a beaucoup de choses à la Bibliothèque nationale. Il y a beaucoup de choses aux archives nationales, il y a des choses au Muséum d'Histoire Naturelle, mais les archives de la Verrières-le-Buisson aussi, les archives à Verrières-le-Buisson, il y a une association d'historique de Verrières qui récupère tout ce qu'elle peut. Donc il y a des choses qui reviennent parce qu'il y a beaucoup de salariés de Villemorin, de gens qui ont connu les Villemorins, qui viennent spontanément apporter des éléments. Donc c'est un patrimoine vivant. Mais ce qui est très dommage, c'est que toutes les archives des Villemorins, leurs archives privées, leur bibliothèque privée, leurs écrits privés, tout ça aujourd'hui appartient à la société Villemorin, a été malheureusement acquise avec les actifs de l'entreprise à l'époque, dans les années 60. Et donc, ça se trouve dans un petit manoir assez joli, à la Ménitrée, en Anjou. Et ça reste un endroit où il y a sans doute beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent enrichir et percer les mystères. Oui. Ce n'est ni ouvert aux journalistes, ni aux historiens, cet endroit. Et pour quelle raison ? Je ne le sais pas. Donc c'est un appel qu'on peut leur lancer peut-être officiellement. Ouvrez vos archives pour aller plus loin sur cette histoire, justement. Mais le problème, c'est que le rachat de Villemorin par Limogrin s'est assez mal passé. C'est pas seulement une histoire capitaliste, c'est l'histoire de l'éclatement d'une famille, les uns voulant gagner plus d'argent et les autres voulant continuer la tradition de la science et de la recherche tout en vendant quelque chose. Et ça s'est très mal passé en 1962. Une famille devenue une diaspora, on peut dire même aujourd'hui. Ils sont nombreux, mais donc la société n'existe plus. Et puis je renverrai aussi nos auditeurs sur votre livre, Christine Laurent, L'herbier Villemorin, puisque à la fin, dans les derniers chapitres, vous nous parlez aussi de l'herbier officiel en cours de numérisation aujourd'hui, d'ailleurs au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Mais il y a aussi l'herbier off, c'est-à-dire dans des sacs poubelles qui devaient donc partir à la benne, et bien il y avait des trésors qui appartenaient à la famille Villemorin et sauvés, des estampes et des dessins, et tout ça on le retrouve dans vos livres. Juste dernier mot, Christine Laurent, la numérisation, date de fin de numérisation ? Oh, c'est dans 3-4 ans, mais je voudrais juste dire une chose. C'est vrai que c'était très, très riche ce travail, parce qu'en fait on a pu photographier les planches telles qu'on ne pourra plus jamais les voir après, parce que quand aujourd'hui pour le préserver on est obligé de le mettre dans des papiers neutres. Il est extrêmement et donc, fragile. Toutes ces plantes qui ont été collectées et séchées dans des papiers journaux, dans des factures d'hôtel, dans tout un tas de choses qu'on avait sous la main, on est obligé de les ôter pour les mettre dans ces papiers neutres, et donc on pourra plus le voir tel qu'il a pu être photographié là. Et ça c'est quand même un beau sauvetage d'avoir pu faire ce travail. Merci à tous les deux, Christine Laurent. Donc, je rappelle le titre de votre livre, L'herbier Villemorin, paru chez Belin. Et donc cet article à retrouver dans le magazine Pour la Science du mois de décembre, Les Villemorins, des botanistes d'exception. Et puis Claude-Marie Vadraud, La saga des Villemorins, édité chez Delachaux et Niestlé. Et votre dernier livre, tout à fait d'actualité, Climat, planète en danger, aux éditions du Rocher. Vous restez avec nous, on poursuit notre exploration du monde végétal et animal et au muséum, justement. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Seconde partie, actualité des sciences et de leur histoire, avec aujourd'hui une plongée dans la biodiversité sur écoute. Le travail mené par Jérôme Sueur, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Il est membre de l'Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité. Il participe à la gestion de la sonothèque du Muséum. Il est ce qu'on appelle un spécialiste de l'écho-acoustique. Bonjour Jérôme Sueur. Bonjour. Alors là on entend justement un univers sonore très particulier. Oui. Alors, c'est quel univers ? Ah là, on est en Guyane. C'était enregistré il y a peu de temps, il y a 2-3 semaines, dans la montagne de Caux. C'est le début de la nuit. Et alors, donc, cet univers, la Guyane, est aujourd'hui un laboratoire en écho-acoustique ? Oui, on se concentre sur cette partie du monde pour essayer de développer des méthodes qui permettent d'estimer le nombre d'espèces présentes juste en écoutant. Donc on enregistre tout ce qui se passe et on essaye d'avoir un nombre d'espèces qui nous donnerait donc une indication sur le niveau de diversité animale à un endroit donné, à un temps donné. Mais là, par exemple, moi, quand j'écoute, j'entends une musique magnifique, hein, une ambiance, une atmosphère. Je suis incapable de dire il y a tant d'espèces. C'est techniquement, comment est-ce qu'on repère à l'oreille la diversité? Alors, à l'oreille, en fait, ce n'est pas le but. On n'essaye pas de le faire à l'oreille parce que tout de suite, il y a un problème de subjectivité qui va être lié donc à l'observateur, à celui qui va déterminer. Donc, on essaie de développer des techniques sur des outils mathématiques et informatiques qui nous permettent de décomposer le son et d'identifier ces différentes parties. Mais ça reste vraiment un défi. Ça peut paraître simple quand on connaît ce qui se fait en musique sur la reconnaissance automatique des chansons ou la séparation des différentes voix d'un morceau musical. Mais en fait, là, c'est très difficile parce que tous les sons se superposent et il y a une grande variabilité. Et puis aussi, on n'a pas de banque sonore de référence. C'est-à-dire que là, quand on enregistre, bon, il y a quelques sons que l'on connaît parce qu'on a passé un petit peu de temps sur le terrain. Mais il y a beaucoup de sons qui nous sont complètement inconnus. Et on ne sait même pas qui les produit. Est-ce que c'est un insecte? Est-ce que c'est une grenouille? Est-ce que c'est un oiseau? Donc, c'est une grande, grande difficulté. Et c'est un beau défi technique et puis naturaliste. Comment est-ce qu'on devient un spécialiste en écho-acoustique? Vous, par exemple. Alors, le point de départ, c'est probablement une passion pour le son. La musique, moi j'ai plutôt une frustration de ne pas être musicien et une passion de l'autre côté pour le phénomène animal, le comportement animal, et donc en associant les deux on arrive à la bioacoustique d'abord, qui est l'analyse du comportement animal dans un cadre de communication sonore, et puis après ça a dérivé sur l'écho-acoustique qui est une sorte d'analyse, enfin d'essayer de répondre à des questions d'ordre écologique en utilisant le matériau sonore. Et alors, Jérôme Sueur, depuis combien de temps est-ce que vous travaillez sur ce terrain-là? Sur le terrain. Le terrain écho-acoustique. Depuis peu de temps, ça fait depuis 5-6 ans, un peu plus que ça. Ça a commencé en 2008 pour être exact, avec une première étude en Tanzanie, avec une collègue du Muséum National d'Histoire Naturelle, Sandrine Pavoine, qui elle est spécialiste de l'estimation de la biodiversité, d'un côté vraiment biostatistique, et puis moi avec mes compétences en acoustique, on s'est associé, et on a eu cette idée d'essayer de suivre la biodiversité par le son. Alors un processus de recherche en cours, mais qui a vu des pionniers hein, dans le monde, comme par exemple Bernie Krause aux États-Unis. Oui, exactement. Bernie Krause, c'est quelqu'un qui vient en fait du monde artistique, qui était musicien de studio en Californie dans les années 60, et qui tout d'un coup a tourné le dos à tout ce monde de la musique, et qui s'est tourné vers la forêt, j'allais dire, vers le milieu naturel, et qui s'est mis à enregistrer les milieux naturels. Et il a eu la bonne idée, en fait, d'enregistrer ces environnements sonores d'une manière globale, sans chercher à enregistrer un oiseau en particulier, ou une grenouille, ou un insecte. Et il enregistre ces paysages sonores, ces environnements sonores. Donc avec une approche plus holistique que ce que l'on peut avoir en comportement animal. Donc lui a constitué une énorme banque de données qui sert à quoi aujourd'hui? Pour l'instant, elle est chez lui, j'allais dire, et elle pourra servir éventuellement de référence parce qu'il a des enregistrements sur plusieurs dizaines d'années dans des milieux extrêmement différents, quasiment sur tous les continents. Donc c'est une sorte de marque sonore de l'état sonore de la planète. Donc ça peut servir de référence pour des études scientifiques. Et vous êtes nombreux en France à travailler sur ce nouveau domaine, j'aimerais dire scientifique. On peut appeler ça un nouveau domaine. Oui, on peut appeler ça un nouveau domaine. On va essayer, en tout cas, de le formaliser sous ce terme de écho-acoustique. Non, en France, on n'est pas beaucoup. J'allais dire, on est presque les seuls au muséum. Mais il y a beaucoup de laboratoires quand même dans le monde entier qui se dirigent vers cette discipline. Alors, on va écouter un autre son, si vous voulez bien. Vous allez nous le décrire pour qu'on comprenne un peu plus votre terrain de recherche. C'est un lec d'un oiseau particulier qui s'appelle en latin Lipogus vociferans, le paipaio ou le capitaine de la forêt. C'est un de la forêt enfin néotropical ici en Guyane à nouveau. C'est une marque sonore de la forêt, c'est-à-dire que dès qu'on rentre dans la forêt, on entend ce son. Et là, ce sont plusieurs mâles qui chantent en même temps, et c'est une expression d'une compétition pour l'accès aux femelles. Un lek, c'est un endroit où il y a plusieurs individus, plusieurs mâles, qui se retrouvent donc ensemble et qui essaient d'avoir accès aux femelles, et là, via le chant. Alors aujourd'hui, bon, il faut préciser aussi pour les auditeurs que quand vous faites ce travail, c'est une approche non invasive, il n'y a pas de perturbation de la nature. Oui, c'est un des avantages, c'est qu'on arrive à acquérir des informations, des connaissances sur les animaux, sur leur écologie, simplement en installant des magnétophones dans la nature. C'est-à-dire qu'on ne capture pas, c'est une méthode totalement non-invasive, sans contact, donc on ne perturbe absolument pas le milieu, on n'est même plus là, parce que l'observateur peut modifier un petit peu l'environnement et donc le comportement des animaux. Là, on n'est plus là, on met les magnétophones, on s'en va, et on revient les chercher plusieurs semaines, plusieurs mois plus tard. Quelles que soient les conditions atmosphériques ou climatiques. C'est difficile, c'est difficile. On rencontre des difficultés techniques, notamment en Guyane, parce qu'il pleut énormément. Et le matériel, pour l'instant, souffre beaucoup. On a du matériel qui ne tient pas le choc des pluies tropicales. Alors, quels sont les terrains que vous avez investis, vous, et puis peut-être les personnes avec lesquelles vous collaborez? Parce qu'on peut parler aussi d'une collaboration internationale. Oui. Il y a des chercheurs un petit peu partout. Alors, on investit donc le milieu tropical ici en Guyane, mais aussi on s'intéresse beaucoup plus près de chez nous, au cœur des oiseaux, juste en Île-de-France, à savoir la structure de ces cœurs d'oiseaux. J'ai une étudiante en thèse, Camille Desjonquières, qui travaille sur l'exploration du monde acoustique des mares. Donc il y a tout un univers sonore sous l'eau, dans les mares, qui n'est pas connu du tout, donc qui reste à explorer, à comprendre, à décrire. On s'est intéressé à d'autres environnements sonores en Nouvelle-Calédonie, sur des communautés de grillons, en Tanzanie, en Inde, en différents endroits, oui. Et alors, à terme, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette discipline ? On peut espérer de pouvoir suivre une partie de la biodiversité à distance, sans intervenir dans ces milieux. C'est-à-dire d'avoir une sorte d'alerte qui nous permette de dire attention, là il y a une perturbation qui arrive, du moins au niveau sonore. Il y a des modifications, on n'est plus dans un cycle régulier. Ça, c'est un exemple d'application. On peut aussi se concentrer sur une seule espèce et suivre des populations particulières. Par exemple, là, on est en train de mettre en place un projet pour suivre un oiseau particulier qui est le quetzal resplendissant au Guatemala, qui est un animal splendide, qui est très important pour la culture locale. C'est la monnaie du Guatemala, et donc qui est très important. Et ces populations sont en danger. On va essayer de le suivre par l'acoustique, donc simplement en espionnant les mâles et en essayant d'estimer les populations, l'état des populations de cet oiseau. Est-ce qu'on peut dire, Jérôme Sœur, que ce sont des disciplines, en tout cas cette discipline nouvelle est née des perturbations de la nature, du climat, de notre environnement, aujourd'hui dénoncé, hein, on est en pleine COP21. Oui et non, pas forcément, on peut s'intéresser à tous ces phénomènes sans le lier à des perturbations extérieures. Notamment, on va en Guyane dans des milieux qui ne sont pas perturbés parce qu'on veut connaître un peu l'état zéro de cet environnement sonore, sans perturbation, que ça serve un petit peu de référence. Donc pas forcément. Évidemment, c'est intéressant de voir les effets de perturbation. Ça peut être des changements globaux climatiques ou l'arrivée d'une espèce invasive qui va changer l'environnement sonore et qui va potentiellement acoustiquement gêner des espèces indigènes, locales. Donc on peut mettre ça en lien évidemment avec des perturbations, mais pas obligatoirement. Et donc, une discipline nouvelle et méthodes scientifiques nouvelles, on imagine que ce sont des méthodes scientifiques qui évoluent au fil des résultats ? Alors, on est en plein domaine de la recherche, là. On n'est justement pas encore dans l'application. On fait des pas en avant, des pas en arrière, il y a des erreurs. On est vraiment dans le domaine de l'expérimental, on teste, il y a des choses qui fonctionnent, et puis après on va l'appliquer à un autre environnement, ça ne va pas fonctionner, il faut adapter, il faut trouver autre chose. Et alors cette sonothèque du muséum aujourd'hui, quel est son état ? Alors, l'état de développement également devrait voir le jour en début de 2016. Donc l'objectif est d'avoir une collection de références, d'abord pour les espèces, c'est-à-dire que si je veux entendre le chant d'un grillon de Nouvelle-Calédonie ou le du merle de Paris, je vais pouvoir aller sur cette sonothèque et en avoir un exemple. Et il y aura aussi une partie de cette sonothèque qui sera consacrée aux paysages sonores, aux environnements sonores, aux communautés sonores. On aura là des enregistrements de plusieurs espèces en même temps, tels que finalement on les perçoit lorsque l'on sort dans la nature. Mais accessible à tous ou accessible aux chercheurs ? Accessible à tous. Il y aura des échantillons qui seront accessibles à tous. Merci, Jérôme Sueur. On peut vous retrouver sur notre site, justement, internet franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences, où il y aura tous les liens. Et donc, je rappelle que vous êtes maître de conférence au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, membre de l'Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité, et que vous êtes justement complètement impliqué dans cette gestion de la sonothèque du Muséum, spécialiste de l'écho-acoustique. Merci à vous. Merci à vous. Et vous pourrez réécouter l'émission pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an, nous suivre sur Twitter, bien sûr. Et c'est la fin de ce numéro de La Marche des Sciences. Merci de nous avoir suivis. L'émission a été préparée avec Catherine Donnet et Marie Dalquier, Anaïs Morales pour les archives. Et je n'oublie pas également Janine Vital à la documentation sonore de Radio France, Alexandra Malka à la réalisation, à la technique Anthony Thomasson et Marie Jaworski. Et puis un petit clin d'œil à notre jeune stagiaire Noé Lamor de Gaille. La semaine prochaine, à l'occasion de son passage à Paris, nous vous proposerons une émission spéciale Grand Portrait avec le paléontologue et mammalogiste australien Tim Flannery. Belle rencontre en perspective et à ne pas rater. Surtout demain, autre rendez-vous de Culture Science à 14h avec Michel Albergantier, Sciences Publiques. Et à 15h, aujourd'hui, Culture Musique de Mathieu Garrigou-Lagrange. Mais auparavant, les bonnes feuilles du jour, c'est pour vous. Bel après-midi à tous.